Regardez-moi bien, messieurs, dames. Regardez-moi bien au fond des yeux. Penchez-vous, vous verrez mon âme. C'est celle usée d'un vieux. On est tous comme ça, Arles. On nous écoute quand on parle. Un mec comme moi, on fait pas mieux. Regardez-moi bien, messieurs, dames. Regardez-moi bien au fond des yeux. Alors je suis tombé à terre, et pourtant, même pas mal. Toi, tu peux faire le fier, de tes conneries je me fous pas mal. Car tourne la roue et la terre, d'une chaise ou d'une vie, tu peux tomber. Il faudra bien te relever.